بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأهل والصحبه ومن ولا، أما بعد. ما معنى البطاقة الشخصية؟ مقدما الدفع الاستقبال خدمة نعم أقام يقيم عمال شخص اليوم يعني الرابع كده طيب كان ينبغي أن تكتب الأعداد بالحروف كتابة صحيحة. كم درسا ستكتب؟ سأكتب خمسة درسا. سأكتب كم؟ خمسة. لا إلى مفروض به خمسة الآن مياه كمان يبقى مياه مياه مياه خمستين مفعول به كيف خمستين مفعول به ما الحركة سيكون الحركة مفعول به كسرة كسرة رأيت محمدين قصدت دي سبحان الله خمسة درس لا خمسة درس اللي مضاف إليه زي كده الإكزامبل سأقيم أربعة أيام اللي هي الإكزامبل هي الفتحة ثانيا كم كتابا ستقرأ سأقرأ ثمانية كتاب جم كتب et l'autre pareil on a dit quoi on avait déjà c'est de l'ours c'est un jam aussi de 3 à 10 c'est un pluriel qui vient pluriel mudafilay ثالثا كم كيلو ستشتري عشرة جم الكيلو جم مؤنث سالم كيلوني جم مؤنث سالم تكوا موجود كوا جم المؤنث السالم طيب أي كيف تقول كيلو قلت عندي فانتا سدو كيلو يرجوت تعلم rien là كيلو il a comme il rajoute un alif un ta كيف تقول كيلو لا كيلوات ايوه تعجوز عندي فانتا لا نعم رابعا كم ريالا ستدفع ريالات نعم عاشرا وخامسا سلمان تذكر اسم مؤنث كم نافذة أو بدو نو أليكسندر كم حجرة في الفندق الحمد لله يهديكم الصلحة يهديكم الله ويصلح بالكم. عفوا نعيد كم حجرة في الفندق؟ في الفندق 10 حجرات. لا اللي بنوفوا البيئة لا 10 لا اللي المنتدى مؤخر يا بدي هبلة حجرات في الفندق 10 حجرات 10 نعم حجرة مؤنث 10 اللي مذكر 10 ثانيا كم ممرضة في المستشفى؟ Combien d'aides-soignantes dans l'hôpital عندك؟ في 10 ممرضات. نعم. ثالثا كم طالبة في الفصل؟ في الفصل 8 طالبة. 8 طالبات خامسا كم طائرة في المطار كم يدفعون على الأوروبا كم حاجة ماشي تنسوا لسنجون سوك سبا غافي سلا لا سنك كم طائرة في المطار نعم فيه ست طائرات نعم نصف الرابع نعم كم حافلة في الموقف كم يدو كار في الستاسيون في الموقف سبع حافلات طيب حافلات طيب يو السادس هو يفع الصمت من الفراغات الجمل الآتية بكتابة أرقام التي بين قوسين كما في النموذج طيب الجمل الأولى في المكتب 10 عمال نعم dans le bureau il y a 10 employés ثانيا دفعت 10 ريالات نعم J'ai payé 10 riyals. Falifan Samadou Kitab, Salasouna Riyalan. Naam. Je ne comprends pas, des fois il y a Riyalan et Riyalat. Là, Salasouna, il n'y a pas Riyalat. On a dit que le djem vient que de 3 à 10. Après, ce n'est pas un mot un djem qui vient, c'est un mot frag. Taïeb, Rabian. عندك أقمت في القاهرة خامسة عشر لا لا نبغى pas 15 là on veut 15 direct عندك عبد الرحمن أقمت في القاهرة في القاهرة 10 أيام لا سبع عشرة مالك أو نعم خمسة عشر نعم يوما يوما أو نعم خامسا في المدرسة ثلاثة C'est pas un salat, ça regarde mieux. C'est quoi le chiffre qui est entre parenthèses? C'est un 3 ça? Non, j'ai fait la même faute. Faute d'ol. La. T'avais dit la bonne réponse juste avant. La après. La. Naam. Naam. Mais là, c'est mieux, là. Eh ben oui, bah, Arba, il est masculin. Hein. T'as tout compris. Mia, il est masculin ou féminin? Mia, il est féminin. Bah, donc Arba, oui, il est masculin. Il y a un nouveau. Tayeb. Ça, Adissan? C'est ce que j'ai dit. Aksarum khamsi miyatin masjidin. Khamsi miyatin ou miyatin? 500 masjid. D'ailleurs, parce que c'est au fil moudaf, bien. Donc il n'y a pas de tamouin. Sabian, salal jumu'ata akfar min muslimin. Salal jumu'ata akfar min alfin muslimin. Min alfin muslimin. Là. C'est pas Alfin. Alfin. Alfin. Moudaf. Alfin. Thaminan. Inda Ibrahim, Ihda, Asharata, Waladan. Là. Ihda. Je sais comment dire. Ihda. Là. Ihda, c'est féminin. Ihda, Ahada Asharata. Naam, Ahada Asharata. Moi, j'ai demandé un frère pour ça. Il m'a dit, vas-y, tu peux dire. Comment on dit avec. Ah hein? Il m'a dit tu peux mettre Hadi. Hadi Rachara. Là. Hadi c'est. Ah non, quand tu dis, quand tu dis Ibrahim il a 11e enfant, ça n'a pas de sens. Ouais, mais il me dit ouais, dans, ça dépend de la phrase. Ah bah c'est toute ta question, tu n'as pas même posé la question. Je lui ai dit comment on dit. Tu lui as montré la phrase. Je vais pas montrer la phrase, c'est ça. Il me dit 11, 12, 13, il me dit ouais, tu peux dire. T'as pas dit, t'as pas, comme il n'a pas vu la phrase, il n'a pas changé ta question, je pense. T'as Asiran Fissana. La harakat de la dernière lettre, c'est quoi? C'est quelle lettre? Lettre de quel mot? Des chiffres. De 11 à 19, ils sont tous avec une fatha tout le temps. Achir. Fissa'ati, c'est tout la daqiqa. Non. Adi Achar. Fania, c'est une seconde. Là-bas, Fania, c'est une deuxième. Là, ça veut dire une seconde. Ashiran, nistardim, kul kalimatin, kalimatin atiya, fi jumlatin mufida. Munasib. نعم هذا السلاح مناسب لك وانت ماذا كتبت مناسب سي كوا سي كوريسبوند سي on a appris au début du texte hein on l'a appris déjà non on l'a tu as dit ouais on connaît tu as dit ouais c'est le ism fa'il mais moi j'ai pas compris ce que c'était la correspondance c'est ça dans le texte je l'ai traduit. Et on a appris, ça veut dire quoi, un ensemble et un nasibou? C'est convenir, correspond. Ah, ouais. Mais là, moi, je ne sais pas c'est quoi le nasib. C'est quoi? C'est celui qui paye? C'est celui qui... C'est quoi? C'est... Je ne comprends pas, mais c'est ça. T'as écrit quoi, toi? Al-Munasib. J'ai... Al-Munasib, Zayn Akrika, Salim. Je voulais dire dans la correspondance, mais je ne sais pas si c'est bien. Non, c'est pas ça. Al-Munasib, c'est convenable. Chose qui convient. Thanyen, As'ar. كل أسعار كل أسعار في هذا الدكان هي مكتوبة. طيب وانت أسعار الكتب كلفوا 50 تكلفوا 50 50 كخمسين لما قلبي Je comprends pas les chiffres. Non, d'ailleurs, c'est pas ici, tu comprends pas. Ça t'arrive souvent de faire ça, t'as pas compris une chose et après tu l'englobes. Ça sert à rien avec les chiffres. Mais on n'a pas mis les chiffres pour que tu comprennes qu'après tout cas, c'est ma faute billet qui vient. Et ma faute billet est mansoub. Et après, on a pris certains signes du nasb. Ça peut être la fatha d'origine, ça peut être la kasra quand c'est djem onas salim, et que c'est un ya quand c'est un djem zakar salim ou ce qui ressemble. طيب مقدما عندك مقدما نوبي حسنا صح حسنا حسنا أعمالك بنت حسن الدكتور الذي يفحصني حسنا أعد الدكتور الذي يفحصني يفحصني أيوة حسن أعمال اللي بالمنصوب له أعمالك في بيتي حسنا كذلك لا عملوا في بيتي تظن الخاد هذا خمر قلنا لا يتلومت في التكس كما يتلوم في جنرال في بداية الفراز جاء كما سيتي الريبونس عملوك يكون حسن نعم طيب كذا وانت Là, dans la phrase, le Hassan, il n'y a pas d'utilité de le mettre. Par contre, si tu dis par exemple, l'employé dit Koddim, Jawes Safar, à quelqu'un, lui répond Hassanen et lui donne comme réponse toute seule. Al-Dafa. الذي يدفع الدفع والدافع ما شاء الله في لوجيك طيب إذا أنت الدفع بالبطاقة بالبطاقة سهل لكن محرم محرم سهل الجملة صحيحة عمل فيه الخطأ اصلا اللي في بعض احوال ضروره لكن اصلا هو محرم لان معناه انك تدفع بالبنك طيب مقدما اعطيني الفلوس مقدما نعم مقدما بالفتحه وانت درس مقدما نعم جمله غير مفيده حتى دون un verbe. مقدما c'est une chose qui te décrit par rapport à un verbe. القطار. أيوة. القطار مقدما. لا. القطار. Il faut un verbe. Le train est en avance. Ah mais là, non, en arabe, tu n'auras pas de verbe dans cette phrase-là. Là, tu as un tonnerre à nous, une phrase, dedans, il y a un verbe obligatoire. Comment c'est dans le dossier, là? Hein? Je dois renoncer. Mon code de main, il est dans le souple, là, il est dans le verbe. Ah, ouais. Al-Kitar. Toi, il la laisse. Il revient, on avance. Je peux le dire, non. On va attention aux harakat. Les harakat, elles vous disent, il faut déduire ce dont vous avez besoin dans la phrase. Et en général, un moment de souple, en général, il a besoin d'un verbe. Tu vas trouver. Et même si tu vois un moment de souple qui n'a pas de verbe, avec une phrase, c'est que le verbe a été enlevé, mais il est là. Il est mon code d'art. طيب نخوض الدرس العشرين مغادرة الفندق يعني le départ de l'hôtel le fait qu'il part de l'hôtel quoi. مغادرة on avait dit c'est quitter aussi. Donc là il quitte l'hôtel en fait quitter, délaisser aussi la كلمات الجديدة ثلث ثلث c'est un tiers à la base. Fulus, un tiers. Daqiqa, une minute. Le jam, daqaiq. Le jam, c'est daqaiq. A'jaba, yurjibu. A'jaba, c'est. Yani, impressionné ou aimé. Mais eux, je pense qu'ils veulent dans le texte, c'est aimer. Mais c'est pas aimer comme ahabba. C'est pas le même verbe, attention. Vous allez voir, Inch'Allah, comment ils sont pour. Mumtazun. Excellent, on va dire. Jahaza yujahizu. Ça c'est préparé. Jahaza yujahizu, préparé. Nasoha yansahu, conseiller. De l'almou nasiha. Ruba, c'est un quart. Ruba, un quart. Fatoura, ça c'est un mot, c'est pas du fasra. C'est en fait, il veut dire facture. Fatoura. Ouais, mais c'est pas un mot fasra. Et qu'est-ce qu'on dit au docteur quand on. Ils font pas de facture ici. Il n'y a pas de facture. Donc tu dis fatoura. Raja yarju, c'est espérer. Un peu comme tamanna, comme on l'avait pris. Sauf que la différence entre Manna et Raja Yarjou, c'est que Manna, c'est une chose qui est dure, presque impossible. Et Raja Yarjou, c'est le contraire. Espérer une chose qui est possible et que tu aimes aussi. Et après, j'ai envoyé un texto avec Manna. J'espère que tu as un dommage. Ça, maintenant, on va dire c'est employé, mais je veux dire, à la base, le sens précis, c'est ça. Maintenant, tu vas voir les gens, ils emploient beaucoup, quoi. Dans ce sens-là. Talib, Ghadara yughadiru, quitter là. Talib, le mazdar c'est Mughadara. Tamaman, c'est complètement. Complètement, parfaitement. Ça apparaîtra. Si, mais tamam, tu l'utilises dans d'autres phrases. Les deux ne sont pas pareils. Son tchala, ça apparaît dans le texte. Illa, sauf, hormis. Mais là, ils vont employer avec l'heure. Là, vous allez apprendre comment on dit l'heure en arabe. Là, le « il est » dans l'heure, c'est « moi ». Naam. Ça vient, Inch'Allah. Taïb el-Hiwar, on a la Khalid, ou le Mouazzaf. Ça, c'est pas un dura, ça. Ça, c'est un protéchabouh bil koufar. T'as un khalid ou un tal mouazzaf? Un khalid. Un khalid, un khalid. Aïe, khalid, un khalid. Un khalid. Un صباح الخير. ايوه بن ماتيني. سي سا غراف ابري دي او دي او سي بون باس باس سلام كان من نون دي بو ماتان. صباح النور. صباح النور. اي ماتيني دو ايلوميني او ماتيني دو لوميير. اي Je vais laisser l'hôtel aujourd'hui. Je vais partir de l'hôtel aujourd'hui quoi. À quelle heure en fait? Non. Il dit à 9h30 exactement. Tamamen, ouais, comment on l'emploie? Il ne va pas dire qu'il y a Milan. Tu vois ce que ça veut dire? Là, il va dire Tamamen pour dire à quelle heure là, ça va être exactement? Pile, tu vois? Quelle heure est-il maintenant? Donc en fait c'est la 9e. Et Thulus, c'est un tiers. C'est quoi un tiers d'heure? C'est combien de minutes? Donc en fait c'est 9h20. C'est ça que ça veut dire. Il va dire la 9e et un tiers en arabe, mais en fait en français on va dire 9h20. Et... Tu dis pas un quart en arabe, c'est là? Si, tu dis aussi. Rouba, un quart. Al-Mouazzaf. Bada Ashri Daka Iqa Minal An. Je ne te demande pas pourquoi il fait ça, tu ne le sauras pas, je pense pas. Hein? Je ne te demande pas pourquoi il fait ça, Daka Iqa. Je ne pense pas que tu aies la réponse, ce n'est pas le sujet de fond. Sache que c'est le fatra en tout cas. Si tu veux la noter, note la Bible Faïda. Après 10 minutes, à partir de maintenant. Donc, as-tu préparé la facture du compte? Donc, il dit quoi, Mouazzaf? Donc, il dit là, voilà. Donc, ha, là, c'est un haftambi. Et hiya, ça revient à la facture. Donc on vous dit, tiens, la voilà. Ça va durer comme ça. Le hala, c'est un haf juste pour faire mettre en attention une chose. C'est comme dans les asmishara, haada. Le ha, là-bas, c'est pas asmishara. Asmishara, c'est za, tout seul. Et le ha, c'est un harf qui a été ajouté. Et là, ha, c'est pareil. Vous voyez? Non. Et j'espère que l'hôtel t'a plu, en fait. Alors on va dire aimer, mais là on va dire par t'a plu. J'espère. L'hôtel, akoun, yakuna, que en fait c'est être, on ne va pas le traduire. T'a plu. Il dit, il m'a beaucoup plu, et le service il est excellent. Montez, excellent. Là, c'est Montez, ils l'ont mis au féminin, parce qu'il est. Il y avait un khidma. Ah, ils l'ont pas mis là dans le truc. Ouais. Donc il dit bonne occasion, forçant c'est une occasion. Forçant c'est une occasion. Tayyiba c'est une bonne. On espère te revoir une autre fois. En fait, on espère te voir une autre fois, mais on sait que ça veut dire te revoir en fait. Natamanna an naraka maratan ukhra. Khalid, ash yaqul. Et c'est toujours Moutaza? Ça dépend. Ça dépend. Là, il est moins neuf. Parce que là, il y a fallu un khidma. Et khidma, il est moins neuf. C'était Mouzaka, par exemple, t'as coulé Adal Kitab. T'as dit quoi? Moumtaz. Adal Kitab, Moumtaz. أولا استميح وردد. Donc il pose la question avec la réponse par rapport à l'heure. يقول كم الساعة الآن؟ Quelle heure est-il maintenant؟ الساعة الآن الواحدة تماما. Donc l'heure actuellement est une heure pile. Nous, on va pas répéter l'heure actuellement chez nous. On va dire il est une heure pile, مثلا. الواحدة, en fait c'est la première en arabe. Ça serait par la première, mais nous on va dire une heure directement. Mon arbre c'est la première heure en fait. Salisan, كم الساعة الآن? Quelle heure est-il maintenant? يقول الساعة الآن الثانية تماما. Donc là c'est, il est exactement deux heures, ou les deux heures pile. Pareil, il va dire la cinquième pour dire la deuxième, mais nous on dit deux heures directement. ماذا أظن؟ وإلى لقاء دل الحمام؟ لا. خامسا الساعة الآن عفوا السؤال أولا الساعة الآن أي في السؤال؟ نعم. سمع وهمت جاوبت الكشفين ولا با الساعة الآن الثالثة تماما هي 3 heures exactement au pile. سادسا الساعة الآن الرابعة تماما هي 4 heures pile. سابعا الساعة الآن الخامسة تماما 5 heures pile. ثامنا الساعة الآن السادسة تماما 6 heures pile. تاسعا الساعة الآن السابعة تماما 7 heures pile. عاشرا الساعة الآن الثامنة تماما 8 heures pile. الساعة الآن التاسعة تماما 9 heures pile. ثاني عشر الساعة الآن العاشرة تماما 10 heures pile. Donc là il vous donne les heures rondes 100 minutes. Vous voyez, pour dire une heure c'est الواحدة 2 heures et الثانية 3 heures et الثالثة ainsi de suite. Allez, dans la suite الساعة الآن الحادية عشرة تماما il est 11 heures. الرابع عشر الساعة الآن الثانية عشرة دوزيام هير Mais n'oubliez pas, comme je le répète, de 11 à 19, que ce soit des chiffres yani définis comme 11 ou le 11e ou le 11e Hadi Achar, ils prennent tous une fatha tout le temps. هذا يسمى العدد المركب. العدد المركب c'est celui qui a de 11, c'est le nombre composé en fait. Si on a de 11 à 19, il est composé de deux parties. Vous voyez, qui est un nombre et après 10. Et les deux, ils prennent une fatha tout le temps. Et le premier des deux, à partir de 13 à 19, il prend les mêmes règles que de 3 à 10. C'est-à-dire le premier nombre, il va s'opposer au dénombré. Par exemple, 13 hommes. Comment tu vas dire ? Salasta achar rajulan. Salasata, tu vas dire. Parce que rajul, il est muzakkar. Par contre, achar, lui va suivre le dénombré. Tu vas dire achar. Ouais. Ouais. C'est un vrai mélimélo. Ça y est, ça revient inch'Allah dans le livre, parce qu'ils vont pas le. Ça, ils n'ont pas traité dans le livre, mais juste pour vous le dire, peut-être ça vous éclaircir bon, ce qui a pu venir. Donc là, en fait, Hadi, là, par exemple, là, Hadiata, Asharata, c'est la 11e heure. C'est 11e heure. Mais là, ça, c'est à partir de 13, pas à partir de 11, ça commence, c'est vrai. C'est comme les autres, c'est à partir de 3 que ça commence. Ouais. Là, il suit, tout suit. Mais à partir de 13, c'est-à-dire de 3 à 9, ouais. Il s'oppose à lui. Voilà, voilà. Qui est Asharata à partir de 13? Il prend 6, c'est par exemple Salisata. Mmh. C'est ça? De quoi? De quoi? La 13e heure, par exemple. La 13e heure? Mmh. Salisata. Salisata. Asharata. Asharata. Naam. Le Ashara, il suit le dénombré. Il le suit. Et ça a les moins de 9. Donc Ashara, le moins de 9. Par contre, Salisata, il est Muzakkar. Non. Fanyan istami ou raddid. Écoutez, répète. Maintenant, il va vous donner des temps définis. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu wa an-nisf. Donc en fait, il est 2h30. Vous voyez ? Il est 2h30 en fait. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu wa thuluth. C'est 2h un tiers, donc ça veut dire quoi ? 2h20. 2h20. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu wa rub'. Donc là, c'est 2h. Écart, 2h15. As-sa'atu al-an, as-thaniyatu wa 'ashru daqa'iq. Donc il est 2h10. Enfin, 2h et 10 minutes. Vous voyez ? Pourquoi c'est une dharma ? Dans les autres là, c'est le fatra. Pourtant, c'est la même. Où c'est le fatra? En haut là. Mais là, c'est pas mon rakab là. C'est Asha tout seul là. Là, c'est 10. C'est pas Hadia Asha. Là, c'est 10 tout seul. Les autres, c'est 11, 12, 13, 14, 15. Là, c'est deux. Par exemple, là, dans ce qu'on vient de dire. Aïe, ouais. C'est 2h. Et 10 minutes. Non. Bah, c'est quoi le muscle là ? Moi c'est là. 10, c'est tout seul là, c'est pas non composé. C'est 10, on a dit 3 à 10, les nombres ils s'opposent aux dénombrés. Ouais. La fatha elle vient de 11 à 19. Ça rentre pas dedans la 10. 10 il est avant, il prend pas les règles là. C'est pas un nombre composé, c'est pas Adel Murakkab. Ce que je comprends pas là, c'est parce que moi je vois pas de différence entre cette phrase là et l'autre phrase. C'est que là aussi, c'est entre 13 et 19. Mais là c'est 13-19, je suis d'accord, ça, c'est bon, tu vois. Normalement, c'est dans ma tête, tu vois. Voilà qui est là, je vois pas la différence entre Taniyatu ou Arashlou et Taniyata ou Arashurata. Je vois pas, et pour moi, ça c'est pareil là. Et Arashurata. Là-haut. Là, en haut, c'est un adad murakkab. C'est un nombre composé, il y en a deux dedans. T'as hadia et ashara, ça fait 11. Ouais. Ça, c'est un nombre composé. Ouais. 10, il rentre dedans ? 10, c'est avant 11, ça fait 11, ou c'est 11 ? C'est 10. Eh bien, donc, ça ne rentre pas dedans, ça, je te le dis. Il ne rentre pas dans cette catégorie de nombre. 10, il va de 10, c'est de 3 à 10. Ils ont leurs règles. Après de 11 à 19, ils ont leurs règles. Après de 20 à 100, ils ont leurs règles. Après 100, 200, 300, 1000, 1 million, 1 milliard, ils ont leurs règles. 10, ils ne rentrent pas dans les règles de 11. Je suis d'accord avec toi. Mais... donc, il ne prend pas de fatra, là. Il n'a pas besoin. Mais là, pour moi, c'est... Thumma khamisan as-sa'atu al-an la rabi'a nahwan. C'est Rabia, hein? Non, on l'a fait, la Rabia. C'est là qui a posé le problème. J'ai compris, en fait, lui, là, il est en train de dire 12, Daoud. Mais non, c'est As-sa'atu al-an, as-thaniya, khalas, 2h. Wa ashra daqa'iq. Il n'a rien à voir, là. C'est pas as-thaniya ashara. Il y a un waouh, là, entre les deux, là. Tu l'as vu, le waouh? Il y a un waouh en haut. Ah, il n'y a rien. Ah ouais. En dessous, il dit As-sa'atu al-an, as-thaniyatu, khalas. Point. 2h. Ma forme. Wa khams daqa'iq. Ma forme. Donc là, il est 2h05. Et khams, on n'a pas mis khamsa parce que daqa'iq, c'est le diam de daqiqa et c'est amwannath. Donc khams, il va être muzakkar. Il prend les mêmes règles. Thalithan, istami ou raddid. Maintenant, il va vous apprendre à faire les moins. Vous voyez ? À faire les moins, avec l'air. Awalen, as-sa'atu al-an, as-thalithatu, illa thuluthan. Donc en fait, il est 3h moins combien ? Moins 20. Allez, et là, après, il est ils prennent une il est mansoub, il prend une fatha. Ou ce qui peut remplacer la fatha. Il est mansoub. Non, plein de trucs avec il l'a, il prend une fatha. Très souvent. Et il est mansoub, je veux dire. Il y a des règles. Il l'a, c'est un vrai nœud au début, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on veut apprendre dans Arkham Mustasna. Mais prendre maintenant, là, dans ce qu'on prend là maintenant, actuellement, là, dans l'heure, celui qui après il l'a, il est mansoub. Il est mansoub. De toute façon, là-bas, c'est pas le kitab de Nahou, tu vois. Non, il va pas vous, il va pas vous expliquer les règles. Maintenant, toi, tu fais du par cœur. Si des fois, je peux expliquer, j'explique, quoi. C'est pas besoin, prends du par cœur. Tu dis, dans l'heure, après il l'a, je mets une fatra. Bien que les gens ne le font pas. Bien que les gens ne le font pas. Aujourd'hui, ils vont pas dire à Sania. Ils vont dire ça à Asmatein, direct, tu vas dire. Ils vont dire ça à Asmatein. Ils vont dire deux heures, ils vont pas dire Sania. Ils vont dire Asmatein. Ou ça, il va dire quoi? Salasa, direct, tu vas dire. Il va pas dire Asalisa. Ils vont pas parler comme ça. Salasa, direct, tu vas dire. Faizan, Asatu al-An, Asalisatu, il est Sulusa. Donc là, il est 3h moins 20. Asatu al-An, Asalisatu, il est Ruba. Donc là, il est 3h moins le quart. الساعة الآن الثالثة إلى عشر دقائق. Donc là il est 3h moins 10. Moins 10 minutes, non dit moins 10. رابعا الساعة الآن الثالثة إلى خمس دقائق. Il est 3h moins 5. Et si on dit par exemple ils comprennent ou pas? Il faut mettre دقائق obligatoire. Non, il va comprendre. Ah, il va comprendre. Et c'est pareil. Par exemple, tu veux dire. Ah, il y a 3h17. Andak, qu'est-ce que t'as connu? Là, on a dit attention, de 11 à 19, je prends tout ce fatra. Ouais. Là. Après, il faut revenir dans les autres règles, ainsi de suite. De toute façon, ça s'arrête là, sinon ça va être. C'est juste un test. Toi, vas-y, tu ne prends pas la tête aujourd'hui. Tu arrives à dire 3h10, 3h15. 3h20, 3h30, tu restes entre ceux-là, tu vois. Tu veux dire approximativement. Si par exemple il est 3h22, tu lui dis 3h20. Ou 3h25, tu vois. Ou si il est 3h27, tu lui dis 3h30. Prends pas la tête pour l'instant, tu vois. Là. Et quand tu vas bien prendre le nombre, ben là tu seras plus pressé. Hein? Ils ne demandent pas ta main. Ben. Tu dis chez toi une montre. Je te dis, je t'aime ça. Tu dis, regarde le chien, c'est bon, tu vois. Regarde le soleil. Là, ils vont pas te demander d'être précis. Oui, il y en a un, il m'a dit. Ouais, mais il va pas te dire à la minute près. Il m'a dit, je lui ai dit un numéro, je crois que je me suis trompé sûrement. Ouais, qu'est-ce qu'il avait rendez-vous alors celui-là? Voilà, tu fais comme ça. Si c'est pas, tu fais ça. Regarde. T'en as, ça fait pas lieu, l'oreille. Non, moi, je prends le téléphone. Maintenant, il va vous montrer justement que leur aiguille. Là, c'est l'exercice. Rabi'an, unzur, il est sa'ati, thumma ajib. Donc, regarde l'heure, ensuite réponds. On va faire ensemble celui-là. Il est précis, là. Hein? Kam sa'atu l'an, celle-là. On ne fait pas de droite à gauche. On fait de en bas, après, première colonne, celle-là, après celle d'après. Ailleurs Wa thalathu daqaiq. Daqaiq, c'est quoi? C'est fini, ça? Non, c'est daqiqa. En dessous. Kam sa'atu al-an? C'est facile, celui-là. As-sa'atu al-an. Là. Là, c'est l'heure maintenant, c'est pas la minute qu'on veut. L'heure, elle vient pas comme ça. Ayora Tassirato. Tassirato. Wa Khamsu. Wa. Non. Khamsu Tafari. Arsant. Taht. As-sa'at al-an. Sab'oun. Sab'ata. Sab'atu. As-sa'at al-an. Sab'atu. As-sabi'atu. As-sabi'atu. As-sa'at al-an. As-sabi'atu. Wa. وإحدى وحادية وإحدى عشر دقائق نعم إحدى عشر دقيقة دقيقة طيب صدقها ساعات الآن السبعة السبعة إلا خمسة دقائق أحسنت تحت الساعة الآن الواحدة إلا ربع دقائق لا إلا ربع أيوة دي با دقائق إلا ربع وجدت أيوة إلا ربع تحت الساعة الآن واحدة واحدة تكمبيكي لا تاش tu peux dire comme tu veux dire c'est plusieurs là ils veulent le إلا tu peux dire واحدة وربع دقيقة tu peux dire mais c'est pas ça qu'ils veulent الثانية نعم نعم إلا ثلثا لا تجي با دقائق إلا ثلثا تجي ان تيار دو مينوت إلا ثلثا تجي با دقيقة لا طيب يضد الباقي في البيت الباقي في البيت طيب بقية خامسا إملأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة مما يلي دونك لا فمت لي مود لي تقو عندنا نرجو وغادر والفاتورة الممتازة وجهز ودقيقة وأعجب وصونا فندق الصداقة الخدمة فيه الفراغ طيب ثانيا ولذلك فراغ خالدا كيف ما تلوها خالد نعم ثالثا فراغ الموظف الحساب في الساعة السابعة صباحا رابعا استلم خالد فراغ في الساعة التاسعة وثلاثين خامسا قال الموظف لخالد فراغ أن نراك مرة أخرى سادسا فراغ خالد الفندق في الساعة العاشرة تماما يعني أكثر أجوبة موجودة في النص la plupart des réponses sont présentes dans pour cela نعم طيب نكمل إقرأ أيوة نعم غدا ما في درس عندي حراسة دونك اون فينيسا ان شاء الله بو رونتري دون ان سوجي بلو انتيريسون بار لا سويت ان شاء الله فكري واه سا فيت سامبل مي سي ديجا ميو كو فير ان تور ان فران كو طيب اقرا يقول الكلمات الجديدة فعل يفعل معروف faire ujra معنى ثمن le prix en fait ça peut être un salaire aussi ujra ça peut être un salaire quoi Farkun, c'est différence. Fark, différence. Fanadiq, c'est le jam de Funduk. Fanadiq, c'est le jam de Funduk. Arrafa, yu'arrifu, c'est faire connaître. Arrafa, yu'arrifu, c'est faire connaître. Faire connaître. Non. Connaître tout court. Non, c'est arrafa, connaître tout court. Ah, arrafa, arrafa. En fait, Faïda, quand tu reviens tout seul à la wasfa'ala, c'est faire une chose. Et quand tu viens avec la wasfa'ala, c'est faire faire la chose. Souvent. Par exemple, je dis, j'ai la sa Mohamed. Mohamed, c'est assis. On a cool, je laisse tout Mohamed, j'ai fait asseoir Mohamed. طيب سأقرأ. يقول خالد يريد فندقا مناسبا من الدرجة الثانية. Donc خالد veut un hôtel abordable, طيب convenable de deuxième classe. فضل خالد فندقا صداقة لأن غرفه واسعة وجرته مناسبة. Donc خالد a préféré l'hôtel الصداقة car ses chambres sont spacieuses et son prix, loyer on va dire, est abordable. قابل خالد موظف الاستقبال وطلب منه غرفة لشخص واحد. Donc Khalid a rencontré l'employé d'accueil, l'hôte on va dire. J'espère que c'est pas une hôtesse. Non, c'est un homme. C'est un homme. Inch'Allah. C'est un homme. L'hôtesse c'est après, c'est un homme. وطلب منه غرفة لشخص واحد. Il a désiré de lui une chambre pour une personne. عرف خالد أن أجرة الغرفة 100 ريال في اليوم. Donc Khalid a su que le loyer d'une chambre est de 100 riyal par jour. أقام خالد في غرفته بالطابق الحادي عشر أربعة أيام. ثم دفع الحساب وغادر فندق وشكر الموظف. Donc Khalid a résidé dans sa chambre au 11e étage 4 jours. Arba ayyam, 4 jours. Ensuite, il a payé le compte et a quitté l'hôtel et a remercié l'employé. طيب اولا يقول اجيب الاسئله الاتيه. Donc ça sera pour le prochain vers et pour la question suivante. ماذا يريد خالد؟ Que veut خالد؟ ثانيا في اي فندق نزل خالد؟ Dans quel hôtel s'est rendu خالد؟ ثالثا لماذا فضل خالد فندق الصداقة؟ Pourquoi est-ce que خالد a préféré l'hôtel الصداقة؟ رابعا في اي طابق سكن خالد؟ À quel étage habité خالد؟ كم أجرة الغرفة في اليوم؟ Combien le loyer d'une chambre par jour؟ ثالثا ماذا فعل خالد قبل أن يغادر الفندق؟ Qu'est-ce qu'a fait خالد avant de quitter l'hôtel؟ أسئلة سهلة. طيب. ثانيا كون حوارا. لا خلي هذا. لا ليس الدو. خلو ما لدون لس إن شاء الله. ثالثا لماذا طلب موظف الاستقبال البطاقة الشخصية من خالد؟ Là, il faudra un petit peu improviser. Pourquoi est-ce que le muwazzaf, l'employé d'accueil, a désiré la carte d'identité de Khalid? Thaniyan, limaza faddala Khalid al-funduq as-sadaqa? Non, la réponse, elle est dans le texte. Thalithan, mal farqu bayna fanadiq al-darajat al-ula wa thaniya? Quelle est la différence entre les hôtels de première classe et ceux de deuxième classe? Il faudra aussi réfléchir. رابعا ما عمل موظف الاستقبال في الفندق؟ Quel est le travail de l'employé d'accueil dans l'hôtel؟ ورابعا اجتهاد شخصي. Ça, c'est un effet personnel. On a recopié le texte entièrement. Ma foi, ma alors. Révisez l'heure et entraînez-vous. Inch'Allah. Pas le match, le temps pour faire un déjà. Au début, c'est. Tu bégayes, tu titubes, comme on dit, tu déambules. Après, Inch'Allah, tu vas répondre directement. Bismillah. Alhamdulillah.